Ils ont pris mes stylos, mon bureau, mes papiers. Retrouvé dans mon dos mes factures impayées. Ils ont pris ma bagnole, mon appart, ma télé. Ils m'ont dit tes casseroles t'en as pour des années. Ils sont venus un matin en un père Colombo. Les huissiers, les notaires, l'URSSAF et les impôts. Je les ai vus satisfaits du devoir accompli. Les médias, le palais et puis tout ce qui s'ensuit. Mais mon amour et son amour, ils n'auront pas. Chansons, mon piano, mon chéquier. Ils ont mis dans le camion mes faux tableaux signés. Ils ont pris mes costards, mes adresses, mes empreintes, mes cassettes, mes polars, les autres ont porté plainte. Ils m'ont mis dans la vue mes comptes de société. Ils m'ont dit garde à vue et puis à ta santé. Je les ai vus satisfaits du devoir accompli. Les médias, le palais et puis tout ce qui s'ensuit. Mais mon amour, oui, mais son amour, ils l'auront pas. Non, ils l'auront pas. Mon dernier rêve, son dernier rêve sera pour toi. Il sera pour toi. Oui. Ils ont pris mon bateau, ils ont lu mon courrier. Ils m'ont pris en photo, ils m'ont tout fait signer. Ils ont pris en caution toutes les choses de ma vie. Et mis dans un carton mon micro, mes tapis. Je les ai vus satisfaits du devoir accompli. Les médias, le palais et puis tout ce qui s'ensuit. Mais mon amour, s'il vous plaît.